La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver en cette semaine de rentrée scolaire pour revenir sur cette littérature de l'école qui est bien souvent un premier jalon dans la carrière des écrivains. Ce fut le cas pour Robert Musil qui écrivit son grand roman Les désarrois de l'élève Torless alors que ses souvenirs d'internat militaire étaient encore très présents à son esprit. Nous en parlions lundi. Ce fut le cas également pour Colette qui écrivit Claudine à l'école alors qu'elle entrait dans la vie aux côtés de son premier mari, le célèbre Willy. Frédéric Magé nous en parlait d'hier. Ce fut en revanche plus tard dans sa carrière et après avoir d'abord été un grand lecteur qu'Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, a rédigé son roman de l'internat intitulé La classe de Réto et dont il nous parlera demain. Qu'en est-il d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est également d'un premier roman dont nous allons vous parler, celui que le prix Nobel péruvien de littérature Mario Vargas Llosa a écrit à partir de ses propres souvenirs d'internat. Nous sommes pour ce faire avec Albert Bensoussan, l'un des grands spécialistes de l'œuvre de l'écrivain ainsi que l'un de ses traducteurs. Il a d'ailleurs à ce titre collaboré à l'édition de ses œuvres romanesques en Pléiade chez Gallimard sous la direction de Stéphane Michaud. On lui doit également le livre « Ce que je sais » de Vargas Llosa, paru en 2011 aux éditions François Bourin. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Tous les écrivains, parfois sans le savoir, utilisent ces souvenirs, ces obsessions. Cela ne veut pas dire qu'un roman n'est qu'une autobiographie dissimulée. Pas du tout. Je crois que l'autobiographie est une racine, n'est-ce pas, est un bon point de départ. Dans mon cas, oui, le point de départ de tout ce que j'écris, c'est quelque chose qui m'est arrivé, qui est à l'origine de tout ce que j'écris. C'est donc d'une expérience vécue, on vient de l'entendre, par Mario Vargas Llosa, mais transposée évidemment dans la fiction dont nous allons parler aujourd'hui, nous y reviendrons. Nous allons en parler avec vous, Albert Bensoussan, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait dire, avant d'aborder ce thème, que comme l'auteur, le traducteur aussi met dans sa traduction une partie d'autobiographie, une partie de son expérience personnelle, par exemple dans le choix de tel mot par rapport à tel autre ou dans la teinte que le traducteur souhaite donner au texte? Oui, en ce qui me concerne, je me sens très très proche de Mario que j'ai connu il y a longtemps, en 70, hein, vous voyez, ça remonte à un certain temps. Et nous avons une expérience un peu pareille dans la mesure où Lima, la ville de Lima correspond un peu à la ville coloniale d'Alger où j'ai vécu. Et puis, dans ce roman, La ville et les chiens, qui raconte deux années de la vie de l'auteur, Vargas Llosa, mais tout à fait transposé, et j'ai retrouvé aussi ma propre expérience de l'armée. Vous n'étiez pas en internat militaire, si ? Ben non, mais j'ai fait 18 mois de guerre d'Algérie, j'étais cantonné, et je dois dire que plusieurs expériences qui sont dans le roman, je les ai vécues. Je ne sais pas, vous voulez qu'on entre dans le détail? Oui, pourquoi pas. Oui, par exemple, il raconte que on lui a volé les lacets de sa chaussure, oui. Et qu'un autre, on lui a volé son blouson. Ben moi, quand j'étais à l'armée, à Miliana, on m'avait volé mes espadrilles. À un autre, on avait volé son calot. Alors, il fallait récupérer ça. Je me souviens très bien avoir fait le coup de poing pour récupérer mes espadrilles. Oui. Et bien, c'est exactement ce que raconte le roman. Donc, vous pensez que le traducteur... Alors, vous n'avez pas traduit La ville et les chiens, vous en avez traduit beaucoup d'autres, oui, de sûr. Mario Vargas Llosa, mais vous avez quand même revu cette traduction. Ah c'est oui, ça. on a revu avec Ina Salazar dans la Pléiade, nous avons refait un peu la traduction. Et puis, quand on avait publié le folio, également, c'est à l'époque d'Hugues Carvelis, chez Gallimard, on avait rectifié certains mots. L'avantage de celle de la Pléiade, c'est peut-être ça a davantage actualisé le style qui vieillit forcément. On n'écrit plus aujourd'hui avec des subjonctifs imparfaits, on hésite, alors on passe au présent, on passe au passé composer. On n'aime pas trop ces formules un peu qui emphatisent le texte et qui lui donnent un côté un peu vieillot. Oui. Donc on a rajeuni. Puis on a rajeuni aussi certains surnoms. Par exemple, là-dedans, il y a une petite chienne qui court partout et qui s'appelle Malencouille. Dans l'excellente traduction, d'ailleurs, elle était excellente, celle de Bernard Leffart, qui est un type formidable. Mais ça a un peu vieilli. Alors on l'a traduite par Crève-dalle. Et ça correspond davantage parce que ce chien est un chien de misère qui a toujours faim, qui mange que des épluchures, tout ça, qui parcourt le roman et qui est un peu à l'image de ses cadets, ces apprentis soldats, qu'on appelle les chiens. Ce sont ceux de première année. Dans le roman, on dit c'est la troisième année parce que c'est la troisième, quatrième et cinquième. Il y a trois années. Et à l'issue de la cinquième année, ben, on passe le baccalauréat, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui correspond au lycée. Voilà. Et alors, on les appelle les chiens, les premiers. Alors, il y a la chienne qui est au milieu, qui est un peu comme le faire-valoir, ou le crève-misère, plutôt, de ces personnages. Donc, vous avez réactualisé la langue. Est-ce que vous avez le sentiment que l'histoire en elle-même aurait besoin d'être réactualisée, ou est-ce que finalement, on peut encore aujourd'hui, au Pérou, au collège Leoncio Prado, qui est donc ce collège qui existe vraiment, où Mario Vargas Llosa a fait ses études, on y reviendra. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est toujours aujourd'hui comme ça que ça se passe? Je dirais que c'est un document sur le Pérou des années 50. Hein. Il entre au collège en 1950, il a 14 ans, il en sort en 52 et il écrit son roman en 58, il a 22 ans. Et donc c'est quand même un témoignage sur un état de la société péruvienne qui a forcément évolué. Hein. Mais les ressorts psychologiques qui sont peut-être double, où il y a deux aspects qui sont capitaux dans le roman. Premièrement, c'est l'imposture ou l'inauthenticité de la personne. Ça, c'est toujours valable. Et deuxièmement, le ressort de la vengeance. Écoutez, on est toujours dans une société où on cherche à se venger de quelque chose, non? Ne serait-ce que de la société. Mmh. Alors, ça, c'est le thème majeur. Et il donne la clé à un moment. À la fin du roman, il dit à ce personnage, le jaguar, qui ne veut plus être son ami, parce que lui, le chef de meute, le chef. Il lui dit, je me vengerai un jour, je me vengerai. Eh bien, il s'est vengé en écrivant le roman. Donc, ça, ce ressort psychologique, il est toujours actuel. On marche. C'est un roman où on entre de plein pied. Ceci dit, quand il parle de la virilité, l'éducation de la virilité, aujourd'hui, surtout en France, ce concept de virilité, sauf dans des milieux ultra-réactionnaires et archaïques, ce concept-là a du plomb dans l'aile. Vous savez qu'il y a des stages de virilité hein, qui sont organisés pour les hommes qui ne se sentent pas assez virils, donc c'est quand même quelque chose qui visiblement revient un petit peu. C'est ça. C'est-à-dire que pourquoi il y a un personnage principal qu'on appelle l'esclave et dans lequel Mario a versé sa propre vie. Alors on va parler de tout ça, évidemment. Je voudrais d'abord, puisqu'on a commencé cette semaine en parlant des désarrois de l'élève Torlès, que vous citez ce roman de Musil dans la préface que vous avez faite à La ville et les chiens. Je voudrais vous demander si on peut comparer ces deux romans qui se passent tous les deux dans des internats militaires où le bizutage est également important pour l'un comme pour l'autre. Est-ce qu'il y a des liens? Ben oui, il y a des liens, puisque ce sont tous les deux des romans de formation, ce que les Allemands appellent le Bildungsroman, n'est-ce pas? Et tous les deux sont le récit d'une éducation qui se fait dans la violence, qui se fait dans la rivalité, dans l'injustice, dans le cafardage, dans des choses comme ça. Cette mesquinerie de l'âme humaine où chacun essaie de tirer son aiguille du jeu, mais au détriment de l'autre. Alors, c'est une terrible image de l'école, quand même. C'est une image de l'école militaire, quand même, hein. Parce que le fait que ça se passe dans une caserne exagère, potentialise tout ce qu'on a pu connaître à l'école communale hein, ou au lycée. Hein. Alors, le bizutage a toujours existé. Hein. Ça existe encore. Aujourd'hui, c'est puni par la loi. On sait comment ça se passe. Mais à l'époque, ça faisait partie non seulement de l'éducation, mais c'était quelque chose qui était approuvé par l'autorité. Il s'agissait de former des hommes. Et alors, tout était autorisé, tout était permis. Alors, si on parle des bizutages dans La ville et les chiens, qu'est-ce qu'il y a comme bizutage? Alors, il y a les les grands qui se jettent sur les petits, il les déshabille. Ça, c'est classique. Voilà. Et il leur dit, maintenant, tu vas sur le dos, tu vas marcher sur le dos. Après, tu vas marcher en canard. Alors, il marche en canard. Après, tu vas avaler de l'urine. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on trouve également chez les scouts, hein. J'ai vu une petite expérience de scoutisme. Quand on est totémisé chez les scouts, on est bizuté. Et il faut accepter un certain nombre de choses qui sont des brimades. Mais du coup, c'est vrai que ce sont des romans où la place de l'apprentissage scolaire est finalement extrêmement réduite, comme si les écrivains, quand ils parlent de l'école, ne s'intéressent au fond jamais au savoir qui est transmis. Et les professeurs, par exemple, sont assez peu décrits dans La ville et les chiens. On s'y intéresse assez peu, comme d'ailleurs chez Musil, on s'intéresse à l'institution scolaire et donc aux professeurs qui représentent l'institution. Mais il n'y a pas cette notion de savoir transmis, Albert Bensoussan. Comment expliquez-vous ça? Ben, je vais vous dire, ça c'est dans la pédagogie la plus moderne d'aujourd'hui, qui se situe à l'école maternelle. J'ai fait des stages. Et alors, j'amenais mes étudiants dans l'école maternelle et ils étaient surpris qu'on leur dise ce qui est important dans l'éducation, c'est l'intégration de l'individu à un groupe. Alors, nous avons exactement ça. Et le savoir, alors on disait, bon, le savoir vient après, il va venir naturellement de la fréquentation des camarades. Donc, c'est normal que le savoir soit au deuxième plan. Mais ce qui est au premier plan, c'est la notion de groupe. Par exemple, dans le roman « La ville et les chiens », il y a un groupe qui se crée, qu'on appelle le cercle, qui est une véritable société secrète. Ils sont soudés. C'est une mafia, presque. C'est une mafia qui va éclater à la fin, parce que il y aura quelqu'un qui aura cafeté, comme on dit, et alors le cercle va exploser et ça va se terminer très mal. Mais ce qui est important, c'est l'idée de groupe. Et dans toute expérience d'enfermement, que ce soit en prison ou en caserne, et c'est la chose la plus positive, et c'est le seul apport vraiment positif que personnellement j'ai retiré de mon service militaire, tout comme Mario l'a retiré de ses 2 années dans cette caserne, c'est qu'il y a une espèce de fraternité extraordinaire qu'on ne retrouvera jamais plus après. Parce que ce sont des gens qui sont soumis aux mêmes brimades, aux mêmes punitions. Enfin, ils se font des brimades aussi entre eux, donc ça, c'est pas vraiment un exemple de fraternité. Ah non, c'est les brimades des supérieurs pour les inférieurs. Oui, mais les brimades... entre eux aussi, ils sont quand même très durs. Oui, entre eux, oui, il y a les vols, tout ça, mais oui. Mais oui, parce qu'il y a des petits clans qui se forment, et ces petits clans s'opposent les uns aux autres, hein. C'est à savoir qui sera le plus fort, hein. Et c'est toujours l'idée de la force qui triomphe. Alors ça, c'est une idée péruvienne, hein. Parce que ce roman, il faut dire quand même qu'au début, ce roman s'appelait en espagnol La Morada del Héroe, et les Anglais, la traduction en langue anglaise a retenu ce titre. Ça s'appelle The Time of Hero, le temps du héros. Oui. Et après, Mario a abandonné ce titre. Hein, voilà. Je voudrais revenir quand même avant vraiment d'entrer dans le cœur du roman et puis aussi de comment il a été écrit, sur cette idée de la transmission du savoir. Vous qui connaissez bien Mario Vargas Llosa, vous l'appelez d'ailleurs Mario, vous avez peut-être eu des conversations sur cette notion d'éducation, sur cette idée de la transmission. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de tout cela? Qu'est-ce qu'il vous a dit aujourd'hui? Alors, dans le roman, vous parliez tout à l'heure de l'absence de notion de savoir, où on ne voit pas de cours, on n'assiste à aucun cours, hein. Il y a quand même un personnage qui apparaît là-dedans et qui a existé véritablement, qui est un des grands noms de la poésie péruvienne d'ailleurs, et qui est le poète César Moro. Et César Moro est un surréaliste qui a toute une œuvre en français d'ailleurs, et qui connaissait les surréalistes français, bretons et toute la bande, et qui avait le tort d'être homosexuel. Voilà, pour eux. Hein. Et précisément, les élèves, du coup, n'ont aucun respect pour ce professeur et le chahutent énormément. C'est quand même un symbole, justement, de la place du savoir dans cette école Leoncio Prado, qui est quand même une école pour l'élite péruvienne. C'est vrai. C'est vrai, mais ce personnage faisait des cours, il était chahuté, et ce que suggère Mario dans son roman, c'est que le personnage avait un certain plaisir, peut-être, à être chahuté, il avait un petit côté maso, on peut dire ça comme ça, après il en a parlé, c'est Charles Moro qui est une personnalité majeure. Oui, il lui a rendu hommage à plusieurs reprises. Il a été pendant quelques années professeur au collège militaire. Ouais. Et alors du coup, sur cette notion d'éducation, de transmission que vous disiez... Alors la notion de transmission du savoir, aujourd'hui, Mario, par exemple, dans son dernier livre qui va paraître l'année prochaine, dans un an, et qui s'appelle « L'appel de la tribu », où il s'abrite derrière des gens comme Isaiah Berlin, ou Karl Popper, ou Raymond Aron, Jean-François Reval, il parle de l'éducation. Hein, et alors, il dit cette chose étonnante qui va nous interpeller, c'est que l'école française était une merveille qui a été inventée par Jules Ferry, avec liberté, égalité, fraternité, c'est un peu le slogan de l'émission. Hein. Et il nous dit qu'aujourd'hui, d'après lui, avec son regard critique et peut-être injuste, il dit que l'éducation française bat de l'aile et que c'est une vraie décadence. Il aime bien taper sur la France un peu comme un amoureux déçu ou un amoureux éconnu, oui. Parce qu'il a beaucoup aimé quand même ce pays où il a vécu. Il a commencé à parler, il aimait beaucoup la France et après, il est très sévère par exemple avec des gens comme Roland Barthes. Il suivait le séminaire de Roland Barthes au Collège de France, il a suivi celui de Lucien Goldman, qui l'a beaucoup marqué. Et alors, après mai 68, il pense que la France est entrée en décadence et Paris n'est plus une fête. Pour reprendre, il aimait beaucoup le livre de Hemingway. Hein. Et alors, Paris n'est plus une fête, il a écrit un article là-dessus. Mais pour rester sur le thème de l'éducation, oui. Vous dites quand même que ces années passées à Paris, années d'ailleurs durant lesquelles il va écrire, on y reviendra, La ville et exactement, les chiens, c'est là qu'il va le sont des années où il apprend la littérature aussi à travers la littérature française. Ah mais complètement, oui, son grand modèle, allé à l'école de Paris aussi. Oui, il a deux grands modèles, c'est Flaubert et Victor Hugo. Quand mon père m'a connu, j'avais déjà 11, 12 ans, alors j'écrivais des petits poèmes, des petites histoires, et il a pris très mal ça, c'est éveillement d'une vocation littéraire, et c'était compréhensible, parce qu'à l'époque, être un écrivain était c'est faire une faillite dans la vie, n'est-ce pas? La littérature n'était pas nourrissante, hein, on pouvait pas vivre de la littérature. Alors, mon père m'a mis dans son internat militaire, dans son académie militaire, et c'est un paradoxe extraordinaire, il m'a donné les sujets, les thèmes de mon premier roman, La ville et les chiens, dans lequel j'ai décrit plus ou moins cette expérience d'une académie militaire pour un garçon qui n'avait pas une vocation militaire du tout et qui, dans cet internat, a découvert une chose très différente, le pays où il était né, qu'il ne connaissait pas du tout, sinon d'une manière très fragmentaire. Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Albert Bensoussan, on a l'impression quand on entend ici en archive Mario Vargas Llosa que l'internat militaire, c'est ça qui crée les écrivains finalement. C'est tellement traumatisant que ça vous donne envie, puis ça vous donne le besoin peut-être aussi derrière d'écrire un livre. Peut-être que vous d'ailleurs, vous avez aussi écrit sur l'école puisque vous avez publié des récits de votre enfance et de votre jeunesse. Est-ce que vous avez l'impression que finalement ces années d'école, elles sont tellement importantes que pour un écrivain, il faut absolument les raconter parce qu'elles sont soit traumatiques, soit le moment d'une éclosion particulière. Mario Vargas Llosa, quand il entre à l'école, il entre parce que son père le croit un peu féminin. Il a été élevé par sa mère, par sa tante, et également par son oncle et son grand-père, bien sûr. Mais enfin, il écrit des poèmes, et c'est une chose abominable pour cet homme, ce papa, qu'il découvre. Alors, parce qu'au début, il croyait que son père était mort. On lui a fait faire quoi ? Il avait abandonné sa mère. Et ce père réapparaît 10 ans après, et cette histoire, il l'a transposée dans le personnage de l'esclave. Et lui, en tant qu'écrivain, il se transpose dans le personnage d'Alberto, El Poeta, le poète. Et alors, il est en porte-à-faux, parce qu'il est mis dans ce collège par punition, parce que son père croit qu'il n'est pas assez viril. Donc il va là-bas pour devenir un homme. D'ailleurs, il y a deux raisons pour lesquelles les Péruviens envoient leur garçon dans ce collège. Ce sont lesquelles, Albert Bensoussan ? Eh bien, c'est pour pas devenir pédé. Et la deuxième? Eh ben, c'est pour devenir un homme, ouais. Voilà. Et alors, lui, il est en porte-à-faux. Lui, ce qu'il aime, c'est écrire, puisqu'il écrivait des petits poèmes, et des petits poèmes amoureux, des choses comme ça, qu'on a retrouvés, il y en a un ou deux qu'on a retrouvés, mais enfin, lui, il les reconnaît pas, hein, évidemment. Il a un peu honte, hein. Et alors, quand il est dans ce collège, comme il le dit, il découvre la réalité du Pérou. Cette réalité-là, c'est que d'abord, dans ce collège militaire, il y a peu de fils de la bourgeoisie. Ce sont des gosses du peuple. Il y a un Indien qui s'appelle Cava, qui est le personnage principal d'ailleurs, un des personnages principaux. C'est un Indien de la Sierra. Il parle mal l'espagnol, c'est un analphabète quasiment. Et il découvre ces strates de la société, et avec des délinquants. Par exemple, le Jaguar est un voleur, hein, c'est un gars qui sort de la délinquance. Ils ne savent pas écrire. Il y en a un qui dit « J'ai reçu une lettre de ma fiancée. » Enfin bon, ils ont 15 ans. Hein. « Et je voudrais lui répondre, tu vas m'aider à écrire une lettre. » Et je dois dire que moi-même, quand j'étais à l'armée, ça m'a terriblement bouleversé. Je me souviens d'un camarade qui m'avait demandé de lui écrire une lettre. Mmh. Voilà. C'est d'où encore une parce fois parce que moi j'avais des la diplômes quand j'étais de votre vie ah, avec oui. Oui, mais celle moi, de Mario Vargas. J'étais déjà prof, j'étais un vieux sursitaire et puis mes camarades n'avaient pas le même niveau d'études, alors donc ils me demandaient d'écrire, enfin il y en a un qui m'avait demandé d'écrire une lettre pour lui. Et donc j'ai retrouvé tout cette atmosphère. Alors il écrit des lettres d'amour, il fait ça. Et puis alors, et c'est ça qui est assez étonnant parce que c'est vrai. Il écrit des romans pornographiques pour avoir des sous. Et pourquoi veut-il avoir des sous? Parce qu'il est puceau. Et parce qu'on parle toujours d'une prostituée où tous les cadets sont allés ou veulent aller, qui s'appelle la pied dorée. Oui. Et il veut avoir les 20 sols pour pouvoir aller au bordel. Donc c'est comme ça qu'on devient écrivain? Voilà, devient encore écrivain, une autre motivation. Voilà, il vient là-bas pour payer ses frasques sexuelles, quoi. Oui. Qui d'ailleurs échouent lamentablement. Je dois dire que dans le roman, son expérience avec la prostituée est une véritable catastrophe. Oui. Alors, c'est le premier roman, hein, on l'a dit, de Mario Vargas Llosa. C'est avec ce roman peut-être qu'il prend conscience qu'il est un écrivain ou qu'il veut devenir un écrivain? Mais lorsqu'il a écrit ça, je pense qu'il n'en avait pas conscience. Mais après coup, quand il s'aperçoit que, en fait, il a commencé à gagner sa vie, puisque ses camarades lui donnaient un peu d'argent, il achetait ses cigarettes, son Coca-Cola, son alcool, parce que dans ce milieu de casernement, il y avait des tas de trafic. On fait du trafic de cigarettes, du trafic d'alcool, et même comme du dans trafic une prison. De sexe. Il y a vraiment une analogie avec la prison qui est très très forte. Ah oui, tout à fait. Le sexe est extrêmement, il est omniprésent. D'ailleurs, parce que le roman faisait 1200 pages en manuscrit, et il a été réduit des deux tiers, hein. Le sexe était beaucoup plus présent, mais la censure, vous comprenez, les éditeurs étaient un peu inquiets, surtout que le roman était publié en Espagne à l'époque franquiste. Et donc, il a été soumis à la censure, hein. Le sexe avec les prostituées, c'est ça? Et notamment la pied dorée? C'est ça qui était davantage développé? Bah, il se passe pas grand chose avec la pied dorée. Elle lui dit simplement, elle le reçoit dans sa chambre et elle lui dit « On n'est pas là pour faire la sieste ». Bon, on a compris ce que ça veut dire, hein, voilà. Et puis après, elle le traite de branleur. Voilà, bon, c'est pas grand-chose. Hein. En revanche, il y a une scène qui est beaucoup plus harde, si on peut dire, hein, plus rude. C'est la scène, il y a un gars qui tient un petit bistrot clandestin et qui est un homosexuel et qui réunit ses garçons pour les toucher, en fait. Et alors, il organise des concours. Alors, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais à un moment, il y en a un qui dit « Ah, il m'a mordu ben, !» Vous voyez, alors, bon, ça, c'est terrible, hein, vous voyez. On comprend, mais ça n'est pas dit ni décrit d'une façon très crue, hein, absolument. Alors sur la question sexuelle, il faut rappeler aussi que avant de passer deux années au lycée Leoncio Prado, Mario Vargas Llosa a également été dans un internat pendant 2 ans, je crois, où là il aurait été agressé sexuellement par un professeur, c'est ça? Ça l'aurait du coup détourné de la religion. Oui, collège religieux. Naturellement. Oui, ben il en a parlé. Par exemple, on en parle dans les chiots, tout ça. Oui, et puis il y a toujours le côté de la pédophilie est un des thèmes qu'on retrouve un peu partout. On le trouve là-dedans, dans la ville et les chiots. On le trouve dans les chiots. On on trouve partout. L'homosexualité est très présente dans l'œuvre de Vargas Llosa. Où elle est la plus éclatante, c'est dans Le rêve du Salt, qui est la vie de cet Irlandais britannique qui s'est révolté contre l'Angleterre et qui a, à l'époque, c'est au moment de la Première Guerre mondiale, qui fait livrer des armes de l'Allemagne en Angleterre pour la lutte armée de l'Irlande. Et en fait, il a publié des carnets où il raconte tous ses fantasmes homosexuels. C'est abominable, hein, c'est abominable. Enfin, en fait, votre premier livre, La vie et les chiens, donc publié en 1962, prend comme toile de fond ce collège. Exactement. Et la publication du livre suscite d'ailleurs une réaction très violente de la part des autorités péruviennes. Et surtout des autorités militaires. Le livre a été brûlé au collège militaire dans une cérémonie. Plusieurs centaines d'exemplaires ont brûlé dans cette acte inquisitoriel. Mais, et ça, je crois, c'est très indicatif hein, de ce qui était pour les régimes militaires de l'époque, la dictature d'Odria, la culture. Ils ont brûlé les livres, mais ils ne l'ont pas interdit. Alors, le résultat a été que le livre est devenu très populaire, un best-seller au Pérou, à ma grande surprise, hein, et je crois qu'à la surprise de mon éditeur aussi. Mario Vargas Llosa, interrogé ici par Gérard de Cortance. On va revenir sur ce qu'il a dit dans cet archive. Je crois que vous vouliez revenir sur le terme d'abominable que vous avez employé, puis on a lancé l'archive tout de suite après, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de malentendu. Il y a un thème qui revient constamment dans la littérature de Mario et dans sa propre vie, c'est l'idée de l'accusation qu'on a portée contre lui d'être un dépravé. Dans le roman La ville et les chiens, lorsque le jeune homme vient dénoncer un crime, un meurtre, l'autorité militaire a récupéré les petits romans érotiques tout à fait innocents et on les lit, on le force à lire ces romans. On lui dit « Vous êtes un dépravé, vous êtes un dépravé sexuel, vous devez vous faire soigner par un psychiatre ». On dit ça. Dans Le rêve du Celt, John Casman passe en jugement. On a exhumé ses carnets noirs, ses carnets intimes. On les lit au tribunal et c'est un des facteurs peut-être déterminants qui l'amène à la pendaison. Il a été pendu. Et c'est davantage ça qui est abominable que ce qui est écrit dans les carnets. Et lorsque Mario Vargas Llosa est candidat à la présidence, les adversaires, c'est-à-dire le clan Fujimori, trouvent bien de lire à la radio en disant « Écartez les enfants de la radio, on va vous lire des choses abominables » et on lit des passages de L'éloge de la marâtre, un roman de Mario qui est un roman, on peut le juger érotique si on veut, mais c'est tout à fait anodin. Voilà, parce qu'il a été candidat, voilà. Rappelons-le, à la présidence de la République péruvienne en 1990. C'est curieux, dans La ville et les chiens, il a la préscience de ce qui va se passer. Mmh. Voilà. Et notamment avec le personnage du poète dont on va reparler. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce roman. Alors sur l'archive qu'on vient d'entendre, dans laquelle Vargas Llosa rappelle que l'accueil finalement à son roman a été assez froid, pour ne pas dire autre chose. Il y a même eu un auto-da-fé. Oui, c'est ça. On dit qu'il y a eu peut-être 1000 exemplaires vendus. Alors, on n'a pas de traces, en fait. Hein. Alors, on ne sait pas quelle est la part de la légende, du mythe ou de la réalité là-dedans. Mais il est certain que l'autorité militaire a réagi d'une façon très violente à la publication de ce livre. Et ce qui était amusant, peut-être, pour la petite histoire, c'est que longtemps après, Mario Vargas Llosa a été reçu dans ce collège Leoncio Prado, qui est le nom du héros de la guerre du Pacifique à la fin du XIXe siècle. C'est le héros, un des grands héros du Pérou. Il a été reçu en grande pompe par l'autorité militaire, parce qu'à ce moment-là, il était devenu un homme célèbre. Mmh. Alors, c'est bien toute l'hypocrisie, célèbre, justement. Il a effacé tout ce qui était avant. Des responsables de ce lycée, de ce collège, Leoncio Prado. Oui. Maintenant, ceci étant dit, on s'est souvent posé la question de savoir quelle était l'image qu'il avait donnée de l'autorité militaire. Alors, certains disent qu'il critique l'armée en tant que telle, et d'autres disent qu'il exalte l'armée en tant que telle. Mmh. Alors, évidemment, c'est un romancier. Le romancier n'est pas un idéologue, a priori. Il y a donc une armée qui est composé de gens comme tout le monde, comme tout un chacun, un peu mesquin, avec tous les travers de l'individu. C'est une société en miniature aussi, l'armée. Tout le monde a peur pour sa carrière, etc., la réputation, tout ça. Et puis il y a un militaire, alors ça c'est le personnage du lieutenant Gamboa, qui est un pur et dur, et qui naturellement finit cassé. On l'envoie à 4000 mètres d'altitude, il est dans la Puna, où il va se geler là-bas. Et il est cassé parce qu'il a cherché la vérité, il a essayé de faire triompher la justice. Voyez. Alors, d'un côté, il y a les mauvais militaires, enfin les médiocres, et de l'autre côté, il y a l'exaltation d'un vrai militaire. Alors, quelle est la part de... que pense Mario de l'armée, n'est-ce pas ? Vous lui avez peut-être demandé. Eh ben, bon. Mario porte très bien l'uniforme. Hein. Il y a un film... c'est plus lequel, où il est, c'est la tante Julien? Non, c'est pas ça, je ne sais plus. Il est déguisé en militaire, il est magnifique. Non, c'est pas la tante Julien, c'est Pantaléon et les visiteuses. Vous voulez dire qu'il aime porter l'uniforme? Ah ben, il était très beau. Il est grand de taille. Mario fait 1m83, hein. Je le sais parce que lorsqu'on l'a nommé docteur honoris causa, il a fallu mesurer pour la toge. Alors, il est 1m83. Voilà. Alors, on a raconté un petit peu ce roman finalement de manière presque mosaïque, oui. En donnant parfois des exemples, oui. Dans l'intrigue. Peut-être qu'on pourrait la reprendre un petit, oui. Peu par le début. C'est une intrigue relativement simple, qui commence avec le cadet Cava, que vous avez déjà un petit peu, oui. Évoqué, qui va voler les sujet d'un examen sur l'ordre, donc de ce cercle dont on a déjà parlé aussi, cette espèce d'organisation clandestine qui impose son pouvoir tyrannique au collège et dont le chef est ce voyou surnommé le Jaguar. Ça, c'est le départ. Que se passe-t-il ensuite, Albert Bensoussan ? D'abord, il faut dire une chose, c'est que le Cava, celui qui va faire le vol, c'est un tirage au sort. Ils sont quatre. Le cercle, cette mafia, comprend quatre personnages. Et celui qui va faire le vol, finalement, on a l'impression qu'il y a une espèce de prédestination. On répète d'ailleurs souvent, c'est un Indien qui vient de la montagne, le Serrano. On l'appelle le Serrano. Et après, on n'arrête pas de dire, les Serranos n'ont vraiment pas de chance dans ce pays. Ça tombe toujours sur eux, vous voyez. C'est comme qui dirait, quoi, c'est le Bougnoul, quoi. Vous voyez, ouais. c'est un peu ça, quoi, qu'il montre. Donc là, on est dans le sort, lui, une est tombé, métaphore sociale. Voilà, il est tombé sur le 4, ils ont tiré les dés, et malheureusement, c'est tombé sur lui. Alors, les autres sont heureux que ce soit lui qui aille. Et alors, il est maladroit. Alors on dit, oui, les Serrano sont pas très malins. Hein, voilà, c'est ça, ils sont maladroits. Alors, on lui a donné une lime pour déceler le mastic de la vitre. Alors, il va déceler la vitre et il va donc avoir accès à la poignée de la porte. Il ouvre de l'intérieur, il entre là-dedans, il a déposé la vitre par terre. Il arrive à voler les sujets de chimie, enfin de recopier les résultats. Et quand il sort, il saute par la fenêtre, naturellement, parce qu'il est rentré comme ça. Et il n'a pas pensé que la vitre était en bas et avec ses godillots, eh ben, il met la vitre en morceaux. Alors, il ramasse un peu la vitre, mais ça va le... Ça le dénonce, oui. Quoi, voilà. Et enfin, ça dénonce quelqu'un, mais on ne sait pas qui, justement. On ne sait pas qui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on sait comment ça se passe dans l'armée. Quand il y a une faute qui a été commise, tout le monde est consigné. Alors, qui a commis ça ? Personne n'ouvre la bouche. Tout le monde est puni. Ben, à l'école, ça se passe comme ça. Qui a chahuté ? On ne sait pas. Tout le monde est puni. Alors, ils sont consignés. Alors, le ressort amoureux intervient là. Il y a un personnage... qu'on appelle l'esclave, qui est le souffre-douleur, et ça existe dans toutes les institutions, malheureusement, c'est le souffre-douleur, tout le monde, on le traite comme n'importe quoi, et c'est lui qui fait le lit du jaguar, c'est son esclave, il lui cire les souliers. Ils ont toujours des surnoms, voilà. D'ailleurs. Hein. Il peut même y avoir quelque chose, peut-être même un accès sexuel qui est voilé, on ne voit pas, hein. Mais enfin, on laisse... Un peu comme dans les Leftorless aussi. Oui. Et alors ce pauvre esclave... Il y a une petite voisine qui lui a tapé dans l'œil. Et en fait, il s'est jamais rien passé entre elle et lui. Elle le connaît à peine, mais c'est la voisine. Et alors, il veut absolument l'inviter au cinéma, aller la voir. Ils sont consignés. Et au bout de la quatrième semaine, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et il va donc dénoncer, voilà. Il dénonce le vol du sujet pour pouvoir sortir. Et il ne se rend pas compte que, étant donné qu'il va être le seul à sortir, il va se dénoncer lui-même. N'est-ce pas ? Voilà, c'est ça le problème. Et donc, ça va être l'histoire d'une vengeance. Et une vengeance qui va alors très pourquoi, loin. Et pourquoi vengeance ? Parce que l'esclave finit avec une balle dans la tête. Oui, non, mais ce qu'il faut dire, c'est que le personnage, quand il dénonce le Cava, ce pauvre Indien, qui lui, a basé toute sa vie sur la carrière militaire. C'est le seul salut pour cet homme de Lupin prolétariat. C'est son seul salut et c'est celui qui va être cassé. On le dégrade, on lui arrache, on lui défait son uniforme, on lui arrache des insignes et on le flanque à la porte. Mais c'est horrible, ça. C'est horrible. En même temps, lui-même n'est pas particulièrement tendre, n'est-ce pas, Albert Bensoussan, ce personnage? Non, il n'est pas tendre. Mais le Jaguar, qui est le chef de bande, dit que c'est quand même lamentable qu'on ait cassé un type uniquement pour cette chose si futile d'aller rencontrer une petite jeune fille en sortant. C'est tellement futile, cette histoire amoureuse. Et ce type a cassé toute sa vie pour ça. Un autre personnage intéressant, c'est le personnage du poète Alberto. Ah. Section! Section! Et columna, courisse! Section! Section! Alberto voit le sous-officier s'avancer droit sur la file et du coin de l'œil, il constate que le frisé est toujours plongé dans sa lecture. Au garde à vous, Alberto ne peut pas l'avertir. Le sous-officier bondit, il tombe sur le frisé qui pousse un petit cri et lui arrache les plaisirs d'Eléodora. Le soir, dans le dortoir, Vaiano est inconsolable. Non pas à cause de la punition qu'il a reçue. Nom de nom, dit Vaiano, je vous jure que je suis malheureux à en crever. J'ai perdu ma petite femme chérie. Alors j'ai dit, pour la moitié d'un paquet de cigarettes, je t'écris une histoire autrement mieux que les plaisirs d'Eléodora. Vaiano a dit, vrai ? Prends un stylo et du papier et que les anges t'inspirent. Et alors je me suis mis à écrire, assis sur une armoire. Entouré de toute la section, comme lorsque le noir lisait. Alberto écrit une phrase d'une écriture nerveuse. Une demi-douzaine de têtes essaient de lire par-dessus son épaule. Il s'arrête, relève son stylo, relève la tête et réfléchit. Au fur et à mesure qu'il avance, son audace croît. Les mots vulgaires cèdent le pas à de grandes allégories érotiques. Mais les faits sont rares et cycliques. Les caresses préliminaires, l'amour normal et l'amour manuel, les extases, les convulsions, des batailles sans quartier entre des organes hérissés et de nouveau les caresses préliminaires, etc. Quand il a fini de rédiger, 10 pages de cahier recto verso, Alberto, subitement inspiré, annonce le titre « Les vices de la chair » et lit son œuvre d'une voix enthousiaste. Le dortoir l'écoute respectueusement. Ensuite, ils applaudissent et le serrent dans leurs bras. Quelqu'un dit « Alberto Fernandez, t'es un poète ». « Oui », disent les autres, « un vrai poète ». Et ce jour-là, le boa est venu vers moi, d'un air mystérieux, pendant qu'on se lavait, et il m'a dit « Fais-moi un autre petit roman dans le même genre et je te l'achète ». Brave gars, le boa. La compagnie des auteurs et cette lecture d'un extrait de La ville et les chiens par Guillaume Gallienne. Nous sommes avec Albert Bensoussan pour parler de ce roman de l'école et de ce personnage, alors d'Alberto, le poète qui ressemble, on a déjà un petit peu dit, pour partie à Mario Vargas Llosa. Ah ben je crois qu'il ressemble beaucoup. Il ressemble beaucoup, pas par la biographie, mais par l'attitude. Mario, lui, son père l'envoie là-dedans pour qu'il soit viril. C'est un garçon qui n'est pas très viril, il n'a que 14 ans, il est faible. Et il n'a pas beaucoup de force physique. À la fin du roman, quand il va se retrouver avec le jaguar, qui lui est un véritable phénomène viril, et qui fait le coup de poing, c'est un voleur professionnel, il a le dessous, il est ensanglanté, il reçoit des coups de tous les côtés. Alors quelle est son arme virile, lui ? Eh bien c'est sa plume. Et lorsqu'il lit, là, on vient de l'entendre, il lit devant ses camarades, ils sont éberlués par la force de ce qu'il écrit et par ce qu'il écrit sur le sexe. C'est la vengeance du poète, et ben c'est la vengeance du premier de la classe. Voilà. Il n'est pas viril par l'attitude, par les muscles, voilà. Il n'a pas beaucoup de muscles, mais alors il a une tête. Et alors ses camarades vont le respecter à cause de ça. Il ne sera jamais inquiété, jamais. Hein, et tout le monde voudra être gentil avec lui parce qu'il écrit les lettres et il écrit des romans, les vices. Alors là, c'est merveilleux. C'est merveilleux de naïveté, d'ailleurs, hein, enfantine. Et alors, quel est l'idéal de la femme? C'est intéressant, le problème de la femme, là-dedans. Il n'y en a pas beaucoup de femmes, à part justement cette prostituée, la pied dorée. Oui. Et puis donc, celle qui aurait pu devenir la maîtresse de l'esclave, enfin, la petite copine de l'esclave. Ah oui, non, celle-là, elle est très pure, elle est très, très gentille. Mais il n'y a quand même pas beaucoup de femmes, ça, c'est quand même un roman extrêmement masculin. Il y a Teresa, c'est pas, qui va être la fiancée des trois personnages principaux. Et d'ailleurs, lorsque Mario, je lui avais dit, mais parce qu'on le retrouve ailleurs, ce schéma, la femme et trois hommes, elle est convoitée par l'esclave, qui n'a jamais accès à elle. Elle est courtisée par Alberto le poète, qui est d'ailleurs un vrai salaud, parce que c'est lui qui fait le messager. Normalement, il devrait être l'intermédiaire entre l'esclave et cette petite Thérèse. Et en fait, il joue son propre jeu. Il l'emmène au cinéma. Et puis, bon, mais en fait, elle l'intéresse pas tellement. Et en fait, le vrai partenaire de cette Thérèse, ça va être le Jaguar, parce que ils sont tous les deux issus d'une classe pauvre. Teresa est orpheline de père, elle vit avec sa tante. Ce sont des gens très miséreux. On insiste beaucoup là-dessus. Par exemple, quand le cadet veut l'emmener au cinéma, elle court chez la voisine pour prendre une douche parce qu'il n'y a pas de douche chez elle. Mmh. Voilà. Et entre parenthèses, il y a le voisin qui regarde par la serrure. Alors bon, enfin, vous voyez, c'est toute cette misère qui apparaît. Mais là, du coup, il y a quelque chose. Oui. Je vous laisserai terminer, bien sûr, mais entre parenthèses, d'un réalisme très dur sur ce que c'est que l'amour, qui ne peut pas, malgré tout, et même à cet âge-là, transcender les classes sociales, puisque à la fin, les personnages se retrouvent... Ah, ils se retrouvent dans leur classe. Se retrouvent exactement dans leur classe, même si le lycée, le collège Leoncio Prado, est justement ce creuset où on trouve aussi des bourgeois, des métis, et puis des pauvres, de manière mélangée, quoi. Il sait que ça existe, il a un regard sur les différentes strates de la société péruvienne. Il n'empêche que ces personnages, et c'est dans tous les romans, dans les Chiots également, chacun va rentrer dans le rang en fonction de sa classe sociale. Donc le Jaguar, lui, qui est un garçon très pauvre, qui est obligé de voler pour vivre, qui vit dans le milieu de la délinquance, il va finalement rentrer dans le rang, il va travailler dans une agence bancaire. Teresa va réussir à devenir secrétaire, une petite secrétaire, petite dactylo, et ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, bon, ils sont rentrés dans les rangs. Quant à lui, le personnage d'Alberto El Poeta, qui appartient à la petite bourgeoisie, il y a plusieurs petites aventures avant, mais finalement, il va tomber sur une fille qui appartient à la bonne société bourgeoise. On retrouve la même chose dans Conversation à la cathédrale. C'est toujours la même chose. Chacun choisit son alter ego, quelqu'un qui est du même milieu, qu'on n'échappe pas à son milieu. Mmh. Alors ça, c'est peut-être aussi une idée d'époque. On n'échappe pas à son milieu. Mario a été très conditionné par le roman du 19e siècle. Il aimait Victor Hugo, Zola, Balzac. Alors bon, le côté social est central. Flaubert, il connaissait ça par cœur, évidemment. Et alors les femmes, est-ce que c'est une vision qui n'est pas tout de même un petit peu machiste? Le machisme est d'ailleurs un des thèmes du roman. Comment se positionne Vargas Llosa par rapport à cette question-là? Oui. Alors la femme avec qui on couche, c'est-à-dire la femme du fantasme, on la voit très bien, on la voit moins avec la pied dorée, quand même, qui est une prostituée, avec qui ne se passe pas grand-chose. Elle a du caractère, cette pied dorée. On la voit davantage avec le personnage du Jaguar. Alors le Jaguar, qui est un délinquant et qui arrive à faire un vol, son patron, quoi, le meneur, l'emmène au bordel. Et alors, ils sont dans une chambre, il y a deux femmes. Il y a une blonde et une mulâtresse. Et le Jaguar, avec qui va-t-il coucher? Je vous le demande. Vous allez nous le dire. La mulâtresse. Et qu'est-ce qu'il écrit, Alberto El Poeta, quand il décrit la femme? Elle est poilue. Ils ont une image de la femme un peu... ogresse, voilà, la femme un peu rude, la femme ogresse, et la femme brune est plus ardente que la femme blonde. Hein. Le Jaguar est blond. Oui. Hein. C'est quand même un cas limite également. Il est un peu hors classe quand même. C'est un personnage hors du commun. C'est un personnage qui le fascine, Vargas Llosa, son personnage du Jaguar. Ah, complètement, complètement. Le Jaguar est un personnage complètement fascinant parce que c'est un personnage qui lui échappe. D'ailleurs, c'est le type même de, c'est l'explication du surnom. Qu'est-ce que ça veut dire, le Jaguar? C'est quelqu'un qui est insaisissable. Il n'est pas plus costaud que les autres, mais personne ne peut l'atteindre. Il esquive tous les coups. Voilà. Et alors, il file entre les doigts. Et quand il donne des coups, alors, il a appris à se battre. Ça aussi, c'est intéressant. Son frère, qui a fini en prison, son frère lui apprend le coup de tête. Alors, le coup de tête, il lui explique à quel endroit du front l'os est le plus dur. C'est très clinique, hein. On donne pas un coup de tête comme ça. Et il lui montre l'endroit où il faut, quel est l'endroit qu'il doit frapper. Et il lui explique qu'on donne un coup de tête comme ça, et l'autre, lorsque l'autre tombe à la renverse, alors là, on le bourre de coups. On va continuer de parler de tout ça avec vous, Albert Bensoussan. Comme je t'ai dit, j'avais eu, n'est-ce pas, une enfance très gâtée jusqu'à ma 10e année. Et jusqu'à mon entrée au collège militaire, j'avais eu la vie d'un garçon de la bourgeoisie liménienne, c'est-à-dire une vie assez protégée, assez isolée du reste du Pérou. Je connaissais un pays qui était un pays très petit et très restreint. C'est un pays de classe moyenne, un pays où on parlait l'espagnol, où les gens étaient ou des blancs ou des métis. Mais j'ignorais tout du Pérou indien, du Pérou rural, du Pérou paysan, du pays de la pauvreté et de la misère et de la margination. C'est-à-dire que j'ignorais tout du pays violent, plein d'antagonismes et de rivalités qui était aussi le Pérou. J'ai découvert tout ça au collège militaire. Parce que Leoncio Prado était un collège très particulier au Pérou. C'était un collège où pratiquement toutes les classes sociales étaient représentées. Bien sûr, chaque garçon apportait à cette milieu, disons, concentrationnaire, les préjugés, les stéréotypes, les ressentiments, n'est-ce pas, de son milieu. Et ça donnait à l'atmosphère du collège militaire, n'est-ce pas, quelque chose de très violent. Et très, pour moi, ça a été enfin, un choc. Des auteurs sur France Culture. Je voudrais qu'on parle un petit peu, Albert Bensoussan, de ce thème de la violence, qui est non seulement un thème de La Ville et les Chiens, mais qui est un des grands thèmes, si ce n'est le grand thème, de l'œuvre de Mario Vargas Llosa. On peut peut-être parler, pour commencer, de la figure du chef. Le chef, ça peut être le jaguar, parce que le jaguar, c'est le chef du cercle. Le chef parmi les élèves. Et puis le chef, c'est le mauvais chef, le chef militaire. Ça peut être aussi le bon chef, Gomboa. Qu'est-ce que ça représente, le chef, chez lui ? Ben, il est fasciné par la capacité de certains individus avoir un ascendant énorme sur les autres, uniquement par la parole. Par exemple, le jaguar, on ne le voit pas se battre au début, on le voit se battre à la fin. Et à quel moment se bat-il vraiment? Il dit que lui, il n'a pas été bizuté. Tout le monde passe au bizutage et lui, il dit « Ah ben non, moi, essayez de me toucher, vous ne m'atteindrez pas ». Et alors, il en jette, quoi. Les autres disent « Mais c'est incroyable, on ne l'a pas touché, lui ». Et alors, il va créer le cercle et il dit « Je vais en faire des hommes ». C'est-à-dire, c'est un substitut de l'autorité militaire. Mais lui-même est à peine un homme. Oui, il a 16 ans, il a 15 ans, 16 ans, quoi. Et parce qu'à la fin, il dit « J'ai voulu en faire des hommes de ces gens, ils se sont retournés contre moi ». Alors, pourquoi se retourne-t-il contre lui à la fin? Parce que le personnage d'Alberto, le poète, révèle qu'il y a un trafic de cigarettes, d'alcool et d'uniformes volés à l'intérieur de la chambrée et qu'on vient fouiller toutes les armoires et ses camarades pensent que c'est le jaguar qui a mangé le morceau. Mais comme il a un sens très aigu de l'honneur, au lieu de dire non, c'est pas moi, il ne dit rien. Et alors, résultat, ses camarades, ben, lui, il casse la gueule. Voilà, c'est ça qui se passe. Il se jette sur lui. Et alors, c'est là qu'on le voit, avec ses muscles. Ensuite, il est mis en prison. Et en prison, après que Alberto le poète ait dénoncé le meurtre de l'esclave, en disant c'est le jaguar qui l'a tué, on les met tous les deux en prison, sans le vouloir d'ailleurs. Et alors, il y a une bagarre énorme où Alberto le poète est absolument incapable de se défendre contre cette force brutale qu'est le jaguar. Et il a les yeux gonflés, tout sort, il est ensanglanté, on l'amène à l'infirmerie, tout ça, quoi. Mais alors, Alberto, quel est son rapport à la masculinité? Est-ce qu'il est devenu un homme? Est-ce qu'il souhaitait d'ailleurs le devenir? Est-ce qu'au contraire, cette virilité qu'on lui impose le gêne, ce machisme, qui est un mot sud-américain d'ailleurs, oui. Oui, apporté absolument. Dans notre langue, oui. Le gêne, finalement. Eh bien, c'est un garçon qui a du courage, voilà. Il n'est peut-être, le personnage d'Alberto le poète n'est pas très viril par ses muscles. Il a simplement la force de sa parole, de ce qu'il écrit, mais surtout, il a un grand courage moral. Et lorsqu'il est dans la cellule avec le jaguar qu'il vient de dénoncer, il n'a pas l'attitude de l'esclave soumis, il se bat avec lui. Il sait qu'il va prendre des coups et il les accepte. Et à la fin du roman, ils sont remis en présence et il lui dit, Alberto dit au jaguar, « Je veux être ton ami ». Et l'autre refuse naturellement. Mmh. C'est une question de classe. Ils sont pas du même niveau. Voilà. Alors le courage moral, justement, courage c'est moral. Peut-être ça finalement qu'on retient ou que Vargas Llosa retient de positif. Il n'y a quand même pas tant que ça de choses de positif dans ce collège Leoncio Prado. Mais bon, il y a un apprentissage de cette verticalité, d'une certaine forme de morale. Eh oui, je pense que vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, le personnage politique de Vargas Llosa est un homme de grand courage. Il a toujours montré une grande droiture. C'est vraiment l'idée de verticalité est tout à fait juste. C'est un homme qui se tient droit. C'est toujours tenu très droit. Et face à tout ce qu'il a pu recevoir comme injures, insultes, il a toujours fait face avec un énorme courage politique. Et c'est ce qu'on voit dans le roman. C'est étonnant. C'est vraiment un autoportrait. Hein. Mmh. Il n'a pas le courage. Il n'a pas la force physique. Enfin, surtout là, il n'a que 14-15 ans. Hein. Mais il a ce courage moral de faire face et d'accepter d'affronter. Quel que soit le risque, il affronte. La figure du chef, c'est aussi celle de Gamboa. On en a un petit peu parlé. Mais c'est la possibilité aussi pour un militaire d'être quelqu'un de pur, de n'être pas dans la compromission. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un bon chef, mais un chef qui va finir évidemment exilé par l'administration militaire. Pas de salut pour les bons chefs dans l'armée, au lycée Leoncio Prado. Il a beaucoup lu le roman du 19e siècle. Alors, il a dit lui-même que quand il était au collège Leoncio Prado, il avait découvert Les Misérables. Alors, Victor Hugo, alors l'homme de la vérité, le combat pour la vérité, pour la justice, on est en plein dedans. C'est un modèle. Il a toujours aimé Victor Hugo. Et il a écrit d'ailleurs un très bel essai qui s'appelle La tentation de l'impossible, et qui a été repris plusieurs fois. Hein. Victor Hugo représente le courage de l'homme dans tous les domaines, y compris dans le domaine sexuel. Ouais. Et puis alors, il y a les chefs et puis il y a la figure paternelle. Et ça, c'est l'autre grand déterminant, j'ai l'impression, de ce roman. C'est pareil, vous avez commencé à aborder un petit peu ce thème-là tout à l'heure, mais on peut peut-être aller un peu plus loin. La figure du père, que donc il essaye de fuir en allant justement dans ce collège Leoncio Prado. Enfin, il le fuit, disons que on l'a mis là, et ça lui permet de fuir ce père qu'il n'aime pas. Il y a vraiment une relation de haine avec ce père-là. Mais c'est un leitmotiv qu'on va retrouver dans La Ville et les Chiens, qu'on va retrouver d'ailleurs dans la plupart de ses romans, comme si finalement ce premier roman et la figure du père qu'on y trouve étaient constitués la matrice finalement de l'ensemble de l'œuvre Albert Bensoussan. Oui, c'est pas seulement le personnage d'Albert, Alberto le poète, c'est aussi le personnage de l'esclave. C'est-à-dire que la propre histoire de Mario est diluée en deux personnages. Hein. Et donc, la figure du père est extrêmement négative. Le père de l'esclave, qui est en fait le vrai père de Mario, qui l'oblige à aller au collège pour le rendre viril, ce père-là est un mauvais père, n'est-ce pas? Mmh. Et le père de... d'Alberto le poète, c'est un mauvais père parce que c'est un coureur, un Don Juan, qui trompe sa femme et l'enfant assiste constamment aux disputes. La mère crie, elle pleure, le père, etc. Et donc c'est un, là aussi une image négative du père. Quant aux autres personnages, ils n'ont pas de papa. Le jaguar est orphelin. Il n'y a pas de papa. La figure du père est absente et quand elle est présente, elle est extrêmement négative. Et donc c'est le chef militaire, par exemple Gamboa, est une magnifique figure de père dans le roman. Ce qui s'est passé avec La Ville et les Chiens, d'ailleurs, c'était pas... Oui, le livre s'est arrêté une année, mais d'abord, il a eu des problèmes avec la censure espagnole. Il a fallu que l'éditeur Carlos Barral, un poète aussi espagnol, fasse des démarches multiples pour passer la barrière de la censure, qui à l'époque était assez dure en Espagne encore. Mais après... Un correcteur d'épreuves de la maison d'édition, Saïs Barral, a changé mon texte. Toutes les mots, enfin, tous les américanismes, les péruvianismes qu'il a trouvé qu'il ne comprenait pas, alors il les a changés par des mots, disons, plus orthodoxes. Alors, quand j'ai reçu ces épreuves, je ne comprenais pas. Mon texte avait... souffert une métamorphose mais incroyable, c'était même grotesque, parce que comme il ne comprenait pas, n'est-ce pas, cette correcteur, les mots, enfin les péruvianismes, les localismes, non, alors il les changeait un peu à l'hasard, et ça devenait une espèce de, parfois, des pataphysiques. Alors c'est pour ça qu'il a fallu, bien sûr j'ai protesté, j'ai même pris un train, je suis parti à Barcelone, n'est-ce pas, fou de rage avec cette... intromission. Et Carlos Barral, qui a très bien compris, enfin, a fait récomposer les textes du début. Et ça, bien sûr, a délayé beaucoup la publication du livre. Je vois que vous écoutez avec un plaisir évident la voix de Mario Vargas Llosa. Albert Bensoussan, ces péruvianismes là, puisqu'on approche de la fin de l'émission, je vais m'adresser un peu au traducteur quand même. Vous les avez traduits aussi, vous y avez été confronté. On a traduit, puis il y a pas mal de mots, parce que le roman latino-américain, c'est le phénomène du boom, a fait que les lecteurs français se sont habitués à cette littérature. Et petit à petit, des mots qu'on était obligé d'expliquer sont entrés dans la langue. Par exemple, vous allez aujourd'hui, vous entrez dans une épicerie, vous achetez de la confiture de lait. El dulce de leche, à l'époque, il fallait mettre une note, ça n'existait pas en France. Et el asado, par exemple, les grillades. Alors, par exemple, une première traduction, on avait traduit el asado par le méchoui. Mais le méchoui, c'est du mouton, l'asado, c'est du bœuf. C'est pas la même chose, c'est pas la même tradition. Et alors, petit à petit, le lecteur français a été habitué par ses traducteurs, qui ont évolué, à accepter un certain nombre de mots étrangers, la part de l'étranger, et même plus que ça, on a revendiqué cette étrangeté des textes comme une valeur ajoutée à l'œuvre. Alors qu'autrefois, c'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, on faisait tout pour que la langue française absorbe cette étrangeté. Et c'est un peu le phénomène de la traduction depuis une trentaine, une quarantaine d'années, d'essayer d'acclimater l'étrangeté de l'autre et de l'accepter. Alors vous qui le traduisez depuis tant d'années maintenant, Albert Bensoussan, vous n'avez donc, on l'a dit, pas traduit La Ville et les Chiens. Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'évolution depuis ce roman-là, de son style, de sa langue, de son écriture ? Eh bien, Mario évolue. D'abord, il est devenu espagnol. Il est membre de l'Académie, la Real Academia Española, et est un espagnol. Mais quand il est entré à l'Académie, on avait déjà fait un effort considérable. En particulier, j'avais connu un académicien qui s'appelait Valentín García Yebra, qui m'avait dit « J'ai fait entrer 4000 mots sud-américains dans le dictionnaire de la langue espagnole ». Et alors, l'évolution de Mario, c'est celle de beaucoup d'écrivains qui vivaient à l'étranger. Il a un peu perdu la langue péruvienne. Et sur le tard, par exemple dans 5 rues Lima, et dans les derniers romans, Le héros discret, il essaye de réintroduire un petit peu son passé, cette langue du Pérou et de Lima. Mais le mieux, évidemment, est de le lire. Merci beaucoup, Albert Bensoussan. Je rappelle donc votre préface de La Ville et les Chiens dans l'édition Folio. Je rappelle également votre livre Ce que je sais de Vargas Llosa, publié en 2011 chez François Bourin, éditeur. Et puis je signale Le Vertige des étreintes, récit de vos années d'adolescence 2017, c'est chez Maurice Nadeau. Cette émission vous était proposée par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin et Stéphanie Vélin. À la console aujourd'hui, il y avait Audrey Guélil. Et puis demain, nous parlerons avec Antoine Compagnon de son livre La classe de Réto, inspiré là encore de ses années passées à l'internat militaire du Prytanée de la Flèche.